La femme, par Henri Barbus. La maigre mourante se souleva sur son grabat et dit à sa fille Marie : Quand je serai morte, va trouver ton frère, qui est resté à la mine, là-bas, depuis que je me suis fâchée avec votre père. Puisque vous serez orphelins tous les deux, rejoignez-vous, c'est naturel. Tu le reconnaîtras, en tout cas à son nom. Tu lui aideras et lui aussi, car ce n'est pas un méchant gars, tu sais. Lorsqu'elle proféra ces paroles, elle était à bout, un œil déjà fermé. Après l'enterrement, Marie, qui portait une robe grise et avait retiré la fleur de son chapeau, prit le chemin de fer, puis marcha à travers la campagne du Pays Noir pour retrouver son frère Jean. Les chemins qui rayonnaient des charbonnages étaient plus sombres à mesure qu'on en approchait. Un vaste nuage orageux semblait s'être étendu là et avoir déteint sur la terre. Elle prit une chambre dans un des hôtels de la grande rue. Le soir, elle guetta, au milieu des ménagères, la sortie des puits. Elle fut bousculée par la foule lourde et plombée des travailleurs qui sortaient du trou et s'en allaient tous dans la même direction comme un cortège funèbre. Parmi eux, elle reconnut son frère, bien qu'au moment où il s'était quitté, il n'eût que 15 ans et elle 5. Oui, c'était bien Jean, sa petite figure pâle, trop petite, trop pâle, son grand corps, trop grand. Il avait l'air différent des autres, mais il semblait là, et pas trop profondément solitaire. Mon Dieu ! Marie s'aperçut que ses compagnons le bousculaient, se moquaient de lui. Il se dégagea, se débattit, fila. Elle le suivit. Il entra dans un hôtel meublé, après avoir levé la tête pour bien reconnaître la maison, à la manière des gens timides. Il en ressortit, puis pénétra à l'auberge pour dîner. Il s'arrêta sur le seuil, comme effrayé du bruit, puis, d'un pas machinal, il alla se blottir dans l'angle le plus éloigné de la salle. Pas de femme, ni d'amis alors. À sa suite, elle entra au restaurant. Elle s'assit en face de lui, à deux tables de distance, serrée entre des gens qui mangeaient en glapissant. Jean avait une expression d'ennui, de deuil, bien qu'il ne pût connaître la mort de sa mère. La clarté nue d'un papillon de gaz mettait sur sa face osseuse des lignes noires et des plaques blanches. Eh, le beau garçon ! Quelques loustiques, dont une fille, l'œil aviné, le geste levé, dansant, s'étaient arrêtés devant le jeune homme et l'interpellaient ironiquement. Honteux, balbutiant, il baissa le nez sur son assiette. Les moqueurs enfin s'en allèrent, mais les rires féminins tout autour avaient fusé. Ah, le frère qu'elle retrouvait était laid, ridicule, bafoué. Personne n'en voulait. Au contraire, c'était pour échapper le plus possible aux hommes et aux femmes qu'il revenait du travail en se sauvant et qu'il s'était reculé dans l'extrême coin d'auberge pour manger. Des larmes montèrent aux yeux de Marie, comme elle eut pitié de lui. Mais elle adoucirait sa vie. Elle sera à la fois son petit père et sa petite mère. Ils auraient un logement, et grâce à elle, la cheminée serait garnie de fleurs. Avant de glisser hors de sa place, où elle était écrasée par des voisins, elle le regarda longuement. À cet instant, par hasard, il leva la tête, et lui aussi la regarda. Elle lui sourit. Alors il resta béant, le geste suspendu, en voyant qu'une femme lui souriait. Elle rougit. Il ne pouvait pas la reconnaître. Donc il allait s'imaginer que... Instinctivement, elle baissa les paupières, mais instinctivement, elle les releva. Il la contemplait toujours, avec des yeux démesurément ouverts qui, sur sa pâle figure, brillaient comme des larmes. Et cette figure se peignait d'une surprise si déchirante que Marie trembla toute et que de nouveau elle sourit. La scène n'avait pas échappé aux mangeurs attablés dans la salle, en bruyante cohue. Le cadiot et la gentille inconnue se faisaient de l'œil. Les travailleurs se poussaient du coude, surveillaient le manège, stupéfaits. « Lui, ah vrai, bien vrai » chuchotait-on. Marie interdite demeura coite et acheva de dîner, sans risquer de nouveaux coups d'œil, bien qu'elle se sentît regardée obstinément par lui, puis par tous. Au moment du café, la salle se vida à demi. Elle se leva alors et se dirigea vers son frère. Celui-ci, quand il perçut que c'était bien à lui qu'elle en voulait, se dressa à son approche et pour faire cesser l'erreur qu'il pressentait, il se nomma elle. « Je suis Jean Cadiot. » Elle ouvra la bouche pour dire « Oui, c'est bien moi, je suis Marie, tu sais Marie. » Mais il regardait cette bouche fraîche avec une sorte d'espoir si extraordinaire que sans comprendre ce qui se passait en elle, elle continua à ne rien dire, à sourire et à rester là. L'homme se décida enfin à murmurer. « Voulez-vous que nous sortions d'ici ?» Ils sortirent ensemble, gauchement, doucement. Parmi les gens qui peuplaient le restaurant ouvrier, il se fit sur le passage un grand silence. À peine furent-ils dehors qu'il lui toucha puis lui prit le bras. Elle se laissa faire. Pourquoi ne dissipait-elle pas le plus tôt possible la pénible et désolante méprise? Pourquoi? Elle dit simplement. « Vous vivez tout seul, naturellement, » répondit-il. Puis après un effort, il balbutia. « Pourquoi me demander ça? C'est si drôle qu'on s'occupe de moi. Je suis pas riche, vous savez, je compte si peu. Ils trouvent ça drôle aussi, eux. » Il désigna du pouce des piantes faces sombres collées aux vitres des cabarets, qui, le long de la rue, se dressaient en buée blanche comme des écrans de cinématographe. « Vous n'avez pas d'amis? Est-ce qu'on m'aime, moi? Je comprends pas ça, c'est pour dire. » Au lieu de tout lui révéler à ce moment, elle reprit à voix presque basse. « Vous avez l'air doux. Il y a des femmes qui seraient heureuses avec vous. » « On ne m'a jamais dit cela, » marmotta le jeune homme. « Vous voyez, je vous le dis, moi. Vous. » Brusquement, il jeta ses longs bras autour des épaules de sa compagne et la tira à lui pour l'embrasser. Ses lèvres effleurèrent les joues de la jeune fille. Elle repoussa. « Non, non. » Il resta sage, les bras ballants, comme un esclave. « Écoutez, » lui dit Marie, « il ne faut pas m'aimer. Je serais malheureuse si vous m'aimiez. Je ne suis pas libre autant, si vous saviez. » Et je vais partir de ce pays. Mais d'autres femmes que moi trouveront que vous êtes bien différent des autres hommes. « Ah » dit-il. « Ah, mon Dieu !» Il s'était planté devant elle en extase. « On peut m'aimer, moi? C'est possible, ça? Dites, vous m'aimeriez si vous étiez libre, vous ?»« Oui » dit-elle. « Adieu, oui !» Elle disparut, et il demeura à cette place, droit, blême, et illuminé comme un cierge. Ses yeux, sa face, tout son être brillait de magnifiques reflets féminins. Il en était désormais orné comme d'un trésor incalculable, et aussi comme d'un talisman, qui lui donnera le courage et la force d'affronter la vie et le bonheur. Elle s'était glissée dans le couloir de l'hôtel et ensevelie dans sa petite chambre éphémère, d'où à l'aube elle s'enfuirait très loin. Il lui était défendu maintenant de revoir l'abandonné, pour lequel elle avait préféré être plutôt qu'une vraie sœur, le fantôme d'une vraie femme. Et elle pleura en même temps de tristesse et de joie. C'était « La femme » par Henri Barbusse.